Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, La marche des banlieues et après, une série documentaire de Sébastien Descaraïdes, réalisée par Véronique Samuilov. Au départ de cette série, il y a des histoires qui s'oublient plus que d'autres. Des récits qu'on efface, des espoirs déçus, des illusions perdues, des trahisons et de la colère. Il y a surtout ces listes interminables de crimes racistes des années 80. Des jeunes gens qui ne voulaient pas que tout soit écrit à l'avance et voulaient vivre à la même enseigne. Alors il y a eu cette idée de traverser la France tous ensemble, à pied, pour enfin faire corps. Mais il y a aussi le sillon colonial des campagnes électorales sans vergogne et des énergies qui s'épuisent. Et toujours le même cycle qui se répète, au point de durcir des générations qui viennent et de semer les graines de nouvelles mobilisations. Alors pour commencer, les personnages. Un ex-éducateur, un président, la sœur d'Adama Traoré, un militant de l'autogestion, des jeunes gens décidés, des députés qui n'ont pas été à la hauteur et de jeunes orateurs. Ensuite, le décor. Une relégation qui fabrique le communautarisme, la peur de la police, Clichy-sous-Bois, la mort de Zied et Bouna, une partie de foot, le feu et la colère, des doléances, encore une marche, du clientélisme, Fresnes, des contrôles aux faciès, des overdoses, la mort d'Adama Traoré, une marche oubliée et un lycée d'Argenteuil. Aujourd'hui, quatrième épisode, on retourne en 2005. Revenons à hier soir. Les sapeurs-pompiers de Paris sont appelés en urgence. Il leur faut se rendre à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Une intervention comme tant d'autres, sauf que cette fois, l'histoire dégénère et vire sur place à l'affrontement entre plusieurs dizaines de jeunes gens et la police. Octobre 2005. Bilan des voitures incendiées, des bâtiments endommagés, un décor de champ de bataille, Florence Paracuelos. Des voitures et un fourgon calciné en plein milieu de la chaussée, les vitres du centre commercial brisées. Juste en face, c'est le centre de tri de la Poste qui a été pris pour cible. Sur le parking, il ne reste que les épaves des 9 fourgonnettes de la distribution. Tout a commencé vers 19h hier. Les pompiers ont été appelés pour secourir 3 personnes électrocutées, 3 individus qui s'étaient réfugiés dans un transformateur EDF après avoir tenté d'échapper à la police, qui les poursuivait apparemment pour des faits mineurs. 2 d'entre eux sont morts sur le coup, le troisième est dans un état très grave. Un contrôle d'identité, ça vaut pas une vie quand même. C'est excessif. Même s'ils auraient agressé une vieille dame, ils auraient même pas le droit de mériter ça. Ils vivent dans la peur, ici ils se révoltent, aujourd'hui ils se révoltent pas tout seuls, ils se révoltent à 100, 200, 300 parce que tout seuls ils n'arrivaient pas à se révolter. Le jeune il peut allumer, attiser pour provoquer, pour dégonfler ce qu'il a au fond de lui. Cette boule qu'il a accumulée pendant des mois, pendant des années, mais n'importe quel psychologue il va vous dire. Un gamin qui accumule, un jour ou l'autre il peut... S'il fait pas ça, il va exploser à l'intérieur de lui. Il est obligé de lâcher. Il y a eu le feu pour les voitures, au moins 400 brûlés. Le feu pour les bus, 27 attrapes dans les Yvelines. Car les incidents de Clichy-sous-Bois ont gagné du terrain. De Seine-Saint-Denis, ils se sont déplacés dans les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise. Et même en province, où quelques voitures ont brûlé du côté de Dijon, en Seine-Maritime et dans les Bouches-du-Rhône. C'est des émeutiers, c'est des irresponsables. C'est la faute de la démission des parents, c'est la faute du rap, c'est la faute de l'éducation, enfin tout, sauf se poser la question que ça faisait 30 ans que dans ces territoires, les situations devenaient aggravantes, qu'il y a 30 ans, il y avait une marche pour l'égalité contre le racisme où les gens demandaient simplement à être considérés comme des Français à part entière et part à part, qu'ils voulaient juste qu'on les considère comme du droit commun et pas autre chose, et que le fossé s'est creusé. En octobre 2005, éclatent les émeutes de Clichy-sous-Bois. À cette époque, la question de la relation entre les jeunes et la police refait surface avec autant d'urgence et davantage de violence qu'en 1983. Malgré les tentatives d'organisation, il n'y aura pourtant pas de mouvement de la même ampleur. Les actions et les rêves républicains de Mohamed Mechmash, à la tête d'Assez-le-Feu, resteront lettres mortes. Une nouvelle génération arrive, avec de nouvelles revendications et de nouveaux idéaux. La troisième génération, ou le rêve américain. Mohamed Mechmash, vous étiez présent ce jour-là à Clichy-sous-Bois ? Tout à fait. Moi, à la base, j'étais éducateur de rue. Donc, au moment où les choses se sont passées, j'étais pas sur Clichy même. J'avais rendez-vous avec un pote à Paris qui était sur Clichy. Et je l'appelle parce qu'on avait rendez-vous, je le vois pas arriver. Il me dit non, mais il me dit faut que tu viennes parce que sur Clichy, les choses elles sont en train de partir en cacahuète. Il y a deux petits qui sont morts. Voilà, les gens ils sont en colère. Et puis ben, je quitte Paris, j'arrive sur Clichy. Et puis quand j'arrive sur Clichy, effectivement, je vois pas mal de jeunes rassemblés. On commence à avoir des explications parce que les gens demandaient la vérité, parce qu'on a commencé déjà à ne pas savoir ce qui se passait et ce qu'il en était. Et sur les deux, reste un survivant qui est Mutine, qui arrive à remonter jusqu'à Clichy et à parler avec certains jeunes, en donnant la version. Vous pouvez un petit peu nous raconter ce qui s'est passé précisément ce jour-là avec Ziédé Boudin ? Ziédé Boudin, ils étaient avec des copains, on les a en pleine période de Ramadan. Et pour faire passer le temps, il y a un petit terrain de foot qui est à la limite de l'Ivry Clichy. Les gamins ont l'habitude de s'y rendre. Ils jouent au foot. Ils voient que l'heure arrive pour rentrer, effectivement, casser le jeûne, et ils partent. À ce moment-là, il y a des voitures de police qui sont appelées, apparemment pour un cambriolage dans un chantier. Ils voient le groupe de jeunes, ils arrivent devant eux, donc les voitures arrivent assez rapidement. Quand ils voient les voitures arriver, le réflexe qu'ils ont eu, c'est de se sauver. Et la vraie question, c'est de se dire pourquoi on se met à courir maintenant quand on voit notre police. Donc, ils se mettent à courir, ils sont poursuivis, ils sont pris en charge. Certains arrivent à prendre une trajectoire, d'autres en prennent une autre, malheureusement. Et que ce soit Mutine, Ziad Bouna, eux ont pris la trajectoire du transfo. Et malheureusement, en rentrant dans le transfo, ils se sont électrocutés. Et c'est à ce moment-là aussi que commence votre engagement militant ? Pas tout de suite. Au début, je suis resté effectivement en tant qu'éducateur à arpenter la rue le soir, à essayer de discuter, de faire de la médiation. De discuter avec les jeunes, moins jeunes, les parents qui étaient aussi dans la rue parce qu'ils trouvaient ça juste pas acceptable, et essayer aussi de dialoguer avec des interlocuteurs en face de nous, qui est les responsables de police. Voilà. Donc ça n'a pas été facile, pas simple. Et puis on voyait à partir de 18h des camions de CRS, de gendarmes immobiles arriver, donc tout le quartier était bouclé, donc on avait l'impression qu'on était sur un terrain d'occupation, quoi. Et puis ensuite, au bout de 6 nuits, il y a eu, et je me rappellerai toute ma vie, c'est que M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, demande à recevoir une délégation de Clichy-sous-Bois, dont le maire, qui à l'époque était Claude Dillin, paix en son âme, mais qui n'a pas pu se rendre, et c'était Olivier Klein, premier maire adjoint qui a été, des acteurs associatifs, moi en tant qu'éduc, j'y ai été, et quelques habitants. Ils nous réunis. Et était à l'époque Mme Rachida Dati, qui était conseillère pour M. Sarkozy. Ils nous reçoivent. Voilà, on est une vingtaine autour d'une table, avec M. Guéon, qui était déjà là conseiller, ainsi de suite. Et on commence à discuter. Et M. Sarkozy qui nous dit bon, il faut qu'on sorte de cette crise, ainsi de suite. Nous, on lui explique que c'est simple, plus vous vous mettrez des CRS, plus c'est quelque part une forme de provocation. La meilleure manière de sortir de cette crise, c'est que vos CRS restent en périphérique de la ville et ne viennent pas aujourd'hui s'implanter au sein même des habitations de ces habitants qui ont besoin de circuler et qui n'ont pas le sentiment de se sentir plutôt agressés ou autre chose, quoi. Mais au même moment qu'on dit ça, on voit les téléphones de l'ensemble des responsables de police qui sonnent. Et on entend, ça pète là, ça pète là, ça pète là, ça pète là. Voilà. On voit M. Sarkozy qui commence à avoir un moment où il transpire. Il nous dit, je suis obligé de m'absenter, je vous laisse là. Si vous me trouvez n'importe quelle solution pour que ça s'arrête, je prends. Voilà. Donc il s'absente une demi-heure, il descend. Il dit là la solution. Je lui dis, nous, on ne pourra pas régler l'ensemble du problème de toute la France. Nous, ce qu'on veut, c'est régler ce qui se passe à Clichy, quoi. On vous demande une chose, c'est que vos CRS et la gendarmerie mobile soient en périphérie, ne soient plus au milieu du quartier, parce que ça ne cessera pas, quoi. On aura face de ça des jeunes qui clairement auront décidé effectivement de ne pas subir ces pressions, et on exposera aussi vos policiers parce qu'automatiquement ils seront eux aussi contraints à utiliser la force pour pouvoir faire régner l'ordre, malheureusement. Voilà. Donc voilà, ça c'est nos 6 nuits. Ensuite ça se propage pendant 21 nuits dans toute la France. Et le déclic qui a fait en sorte que Assez le Feu naisse, c'est un soir dans une émission, à vous de juger. À l'époque, la présentatrice était Madame Arlette Chabot, qui organise l'émission À vous de juger. Voilà. Donc une émission télé, où on invite du public, ou ainsi de suite. Je suis devant mon poste de télé, et je regarde l'invité, M. Sarkozy. Il revient sur les faits. On est tout de suite taxé d'émeutiers. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des millions d'autres Français qui n'ont pas vécu de près ce qu'on a vécu sérieusement, et il s'adresse à eux. Et là, je me dis non, on ne peut pas le laisser dire ou faire ça. Donc, le soir même, j'appelle les personnes que j'avais rencontrées, je leur dis voilà. Et on s'est donné rendez-vous le lendemain. On était 80 personnes qui se sont réunies, qui venaient de tout horizon, hein, des clichois, de non-clichois, et puis tout profil, quoi, je veux dire. Et on a discuté ensemble en disant voilà, il faut agir. Il faut agir, il faut apporter des réponses. Il faut bien expliquer que ce n'est pas des émeutes, que c'est des révoltes sociales, que derrière, il y a un vrai message, que c'est une sorte d'automutilation, un suicide collectif. Quand on commence à brûler sa propre école, la propre voiture, ou ainsi de suite, c'est qu'on est simplement en train de dire que nous, on n'en peut plus, qu'on est en train de vivre des situations très aggravantes et qu'il va falloir agir. Donc, nous, on a révoqué le mot émeute. Et on a commencé à parler de révolte, révolte sociale. Notre stratégie, c'était effectivement de déconstruire tous ces discours de responsables politiques, en apportant des réponses, en expliquant que dans les quartiers, parce qu'on était dans ces quartiers et qu'on était dans des territoires oubliés, il n'y avait pas de revendication. Et bien nous, on a démontré le contraire. Et à partir de là, on a décidé de créer ce collectif et on a joué avec les mots. Ah, c'est le feu veut dire association du collectif, liberté, égalité, fraternité, ensemble et unis. En se disant, il y a des valeurs, elles sont belles en théorie, en pratique, on ne les retrouve plus. Et ça a donné ah, c'est le feu. Champigny, Gennevilliers, Montfermeil, Lyon, Montmartre, la Jolie, jusqu'à Rennes. Un jour viendra sûrement où je quitterai cette terre. Mais chouette que les gens se rappellent de cette terre. C'est un appel à la paix, opposition à la violence. Un cessez-le-feu pour tous les jeunes des ghettos en France. Que les armes soient posées, les esprits reposés, les pulsions maîtrisées, le diable méprisé. Je crois franchement qu'il est temps que l'on hisse le drapeau blanc. Afin que nos trottoirs ne soient jamais plus couleur sang. Passe-moi donc le mic que je rende hommage aux disparus. À ceux parmi nous qui ont été victimes de la rue. Ceux qui ont quitté ce bas monde à la suite de morts. Violence, souvent la conséquence d'une adolescence insolente. Rage, douleur et larmes, chacun son tour. Et on s'est dit, on va faire, en partant de ce qui s'était passé avec la Révolution, le Tour de France des doléances. Et donc, on est parti dans des quartiers ruraux, là où plus personne ne va, dans des quartiers où on ne donne plus la parole aux gens. Et on leur a dit, voilà qui on est. On est né à partir de ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois et nous, on a décidé tout simplement de ne pas être spectateur, d'agir. Et donc, on posait une tente. On s'asseyait, on avait un petit sono, un petit micro, puis on expliquait qui on était, pourquoi on était là. On n'était pas un mouvement politique, on était juste des citoyens qui clairement avaient décidé de se prendre en charge, et ainsi de suite. Et les gens se réunissaient et venaient. Et nous, on sera votre porte-voix pour pouvoir apporter ça jusqu'à nos responsables politiques. Et pas ni à droite ni à gauche. On va demander au président de l'Assemblée nationale de nous recevoir dans l'hémicycle pour interpeller et la gauche et la droite sur ces questions-là. Et donc l'idée était partie comme ça, et on a fait pendant 6 mois ce Tour de France. On a recueilli plus de 200 000 doléances, et on en a fait une synthèse. Et on a décidé de faire une marche qui s'appelle la marche des doléances pour remettre nos doléances à l'Assemblée nationale. Donc on écrit au président de l'Assemblée nationale, qui était M. Debré à l'époque. On lui demande est-ce qu'il est capable de nous recevoir. Et de là, malheureusement, on est reçu à l'Assemblée nationale, mais par des président de groupe et pas par l'hémicycle. Il faut cesser le feu. Il faut cesser le feu. Vous, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là en tant que militant ? On baisse pas les bras. Nous, non, au contraire, on a décidé de continuer à s'impliquer sur ces questions-là, en disant on va pas être spectateur et on sera acteur. Et ensuite, on a lancé une campagne d'inscription sur les listes électorales. Donc, on a eu le soutien à l'époque du Ristar, Jamel Debbouze, ainsi de suite, qui sont venus nous soutenir. Donc, ça a fait une dynamique qui a permis à ce que des gens aient s'inscrire sur des listes électorales. On était monté en l'espace d'un an à 3 500 000 électeurs supplémentaires. Donc, il y a eu quand même un engouement là-dessus. Donc, notre intérêt, c'était de dire aux gens de devenir acteurs. Soyez pas spectateurs. Décidez aussi de ce que vous voulez, ne laissez pas les autres décider, quoi. Face à nous, les jeunes nous disaient, mais vous êtes bien gentils. Vous voulez qu'on s'inscrive, on va voter pour qui? C'est qui nous représente? Pour l'instant, ceux qui sont censés nous représenter ne nous représentent pas. Et donc, on a décidé tout simplement de se dire, tiens, il va y avoir des initiatives, un test. Et faisons le choix d'y aller, en liste citoyenne. Face à un ancien ministre de la ville, un député qui s'appelle Monsieur Raoult, on s'est dit, c'est pas grave, faut y aller. Et on y va, et on fait cette campagne. Mais ce qu'on voulait, c'était susciter le fait de dire que c'est possible et qu'il faut. Voilà. Et donc, on arrive en 2008, les échéances municipales. On arrive à créer un groupe dans une majorité, Monsieur Dillin, et en son âme. Et jusqu'à maintenant, on a encore des élus qui sont là. Mais ça a permis aussi de lancer un message en dehors des Clichois pour qu'ailleurs, d'autres commencent à lancer aussi leur liste citoyenne. Quels sont les clivages qui existent aujourd'hui entre les différents mouvements, justement, pour rentrer un peu dans le détail? Pour rentrer dans le détail, c'est qu'aujourd'hui, l'autre but à nous, c'était de se dire, nous sommes une nouvelle génération de personnes qui, clairement, n'ont pas aujourd'hui l'histoire. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ne savent pas ce que c'est que la double peine. Beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est que la marche, et ainsi de suite. Il y a cette histoire qui, malheureusement, n'a pas été transmise comme elle aurait dû l'être. Voilà. Y compris dans les livres d'histoire, hein, je veux dire. Donc, je dis, déjà, là, il y a une fracture. Donc, il y a des générations qui, clairement, quand vous parlez de tout ça, ils vous disent, mais moi, je ne sais pas de quoi tu me parles. Donc, il y a cette histoire-là et celle aujourd'hui de la nouvelle génération qui, elle, a vécu des choses concrète, ne serait-ce qu'en 2005, et qui décide, elle, de militer à sa manière. Voilà. Et ne surtout pas vouloir être pollué des histoires d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Donc, il y a une incompréhension de certains qui, clairement, disent « on va vous dire comment vous devez faire, et pas ce que vous voulez faire », et ainsi de suite. Et donc, on n'y arrive pas. Parce qu'on a connu aussi, juste après 83, un fléau et un phénomène qui, clairement, a détruit toute une partie de cette génération qui aurait pu transmettre cette histoire. C'est la drogue dure dans le quartier. Et il y a eu je veux dire, les mots ils sont forts, mais on a eu une sorte de génocide par la CAM, avec des générations et des générations qui sont parties, avec un socle familial explosé. C'est-à-dire tout ce qui faisait corps avant dans ces quartiers, on s'est attaqué au socle familial. C'est-à-dire le fils qui vole sa propre mère, qui va voler le voisin. Donc on est rentré dans des moments difficiles. Je les ai vécus pendant pratiquement 15 ans. Et donc on a fait la chasse aux dealers pendant un certain moment pour... dégager tout ça. Ça veut dire que nos seules préoccupations à ce moment-là, c'était de veiller à ce que nos frères et sœurs ne tombent pas dans la drogue. Voilà. Pendant que d'autres pouvaient parler politique, et donc nous, on l'a vécu pendant ces moments-là, et c'est qu'une chose, c'est de sauver nos frères et sœurs, avant de pouvoir après commencer à retravailler sur des questions qui sont du droit commun. Moi, en tout cas, mon rôle à moi depuis ces 15 dernières années, c'était de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de fédérer. Moi, je n'ai pas envie de m'enfermer que sur des violences policières. Parce que si on se résume à la question des quartiers, et souvent où ça bouge, c'est on attend presque quand est-ce que ça reviendra le prochain mort pour qu'on puisse être entendu. Et je dis, je suis désolé, si nous, on joue le jeu de ceux qui aujourd'hui ont envie de nous assigner que sur deux volets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a rajouté en plus de ça la radicalisation, plus les violences policières, ça veut dire que nous, on cautionne tout ça. Sur les réseaux sociaux, on vous appelle Barbe Panther. Est-ce que c'est, une source d'inspiration, par exemple? La source d'inspiration, vous avez le mouvement les droits civiques qui m'a vachement inspiré. Et le combat de Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks. Bon, ça c'est l'inspiration sur le plan historique. Al-Mami Kanouté, c'est d'abord une carrure. Un colosse de 1m90, des lunettes des années 50 façon Malcolm Little. Al-Mami fait partie des militants qui comptent aujourd'hui dans les quartiers populaires avec son mouvement Émergence. Il représente une autre génération qui n'attend plus grand-chose de la République. Ce qui se rapproche plus, moi, à mes références aussi, c'est les Thomas Sankara, les Modibo Keïta, voilà, toute cette génération de présidents indépendants, les pères fondateurs des pays indépendants en Afrique, qui m'ont vachement inspiré aussi, puisque, et surtout Sankara, qui avait une exemplarité qui est inspirante. Une des références qu'on n'a pas évoquées, c'est la marche pour l'égalité de 1983. Vous ne l'avez pas évoquée parmi les références dans vos actions. Cette marche pour l'égalité qui a été surnommée par la suite la marche des beurs. C'est un modèle pour vous, cette marche? Non. Pour moi, ce n'est pas un modèle, puisque à partir du moment où un événement qui part de la base, donc qui part de Lyon, si je ne me trompe pas, qui part de la base et qui, dans son évolution, est récupéré par des satellites politiques, pour moi, c'est déjà mort dans le film. Ça veut dire que, d'entrée de jeu, la base même a été noyautée. et ce qui a donné en conclusion ce qui s'est passé. Et souvent, je donne un exemple, Harlem Désir. Aujourd'hui, Harlem Désir, où est-ce qu'il est? Il est dans un placard, en Europe. Mais les luttes de l'époque, c'était les mêmes, les bavures policières, l'égalité, la dignité, les droits, les droits sociaux, le logement, la santé. C'était les mêmes, mais je pense qu'il y a quelque chose qui était oublié, c'était l'autonomie. L'autonomie au niveau de la réflexion, l'autonomie au niveau des financements et l'autonomie au niveau de la liberté des actes. Vous êtes plutôt pour l'auto-organisation des quartiers, l'affirmation des quartiers. C'est ça. Je suis pour. Le temps d'avoir en face de nous des politiques tout plein de bonne volonté et non pas de calcul électoral. Donc vous êtes dans la contestation, dans l'opposition? Non. Je suis dans la construction. C'est pas la même chose. La construction de quoi? La construction d'une société populaire, d'une société commune, sans division, sans lutte des classes. Moi, je suis pour la construction d'une société juste. Si je finis par céder à répondre à l'appel de certains partis politiques qui souhaiteraient fusionner ou autre, je dis non, il va être catégorique, mon nom. Parce que l'histoire me prouve encore aujourd'hui que vous n'avez cessé d'appeler des forces autonomes, collectives, pour les mettre au placard. Donc c'est l'affirmation en communauté, on va dire. C'est ça. Communauté au pluriel. Parce que le débat en France, ils aiment bien nous enfermer dans la logique communautaire. Mais en réalité, nous sommes tous communautaires. Nous le sommes tous. Par exemple, nous, avec notre association, on a absolument voulu nous enfermer dans... oui, c'est une association communautaire. Je dis, mais c'est pas notre faute si on a été parqués tous dans le même quartier. Vas-y, nique-toi, la fille de pute, là, reste tranquille. Vas-y, toi, espèce de fils de pute. J'ai grandi dans le Val-de-Marne, dans une ville qu'on appelle Fresnes, 26 000 habitants, donc une petite ville. J'ai grandi dans ce quartier populaire qui était considéré comme très chaud à une certaine époque, puisqu'on a eu cette vague de morts par overdose. C'était la période où la drogue arrivait et autres. Et moi, je me souviens, que on avait quand même des grands du quartier, des parents qui restaient extrêmement vigilants de façon à ce qu'on puisse pas se retrouver happé par ce phénomène qui, à l'époque, était nouveau. C'était les années 80, puisque moi, je suis de 79. Un événement tragique, par exemple, qui m'a marqué aussi qui a contribué à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui, c'est cette génération de grands frères qui se battaient contre les dealers à l'époque pour les écarter de notre quartier et éviter de venir vendre leur poison. Et j'ai été traumatisé par une scène qui était très violente, puisque là, il y a du sang qui giclait et autres. On habitait au premier étage à l'époque. Et un grand du quartier qui interpelle un dealer, qui lui dit « On t'a déjà dit de pas venir vendre ta merde ici ». Il l'a attrapé, il l'a pris par la tête contre le mur à plusieurs reprises, en lui rappelant que c'est la dernière fois qu'il le voyait ici. Et moi, j'étais tellement accroché sur la scène que c'est ma mère qui a dû me retirer de la fenêtre. Et c'est vrai que c'est resté ancré dans ma tête et je me suis dit « Bon, c'était très violent ». Mais l'intention restait bonne quand même, puisque c'était une manière de protéger les habitants de ce fameux poison qui aujourd'hui, on voit les ravages et les situations que ça a pu créer dans nos quartiers. Lâche-moi, c'est bon là, qu'est-ce que tu fais là? Comment est venu votre engagement? Quel a été l'élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Comment ça s'est passé en fait? C'est tout simplement un enchaînement d'événements qui m'ont emmené petit à petit à me dire, moi, en tant qu'ado, de trouver les outils et les moyens qui me permettront de me défendre et de me faire respecter. Notamment je me souviens encore quand j'ai subi la première fois un contrôle au faciès. Sur Évry-sur-Seine, j'étais avec mon petit frère, mais c'était tellement violent que, pas physiquement, mais psychologiquement, qu'une personne représentant l'autorité, la loi, vous pose certaines questions comme « Quelle est votre origine ?» Et en expliquant que je suis d'origine malienne, « Ouais, vous êtes beaucoup trop ici, il va falloir retourner chez vous. » Alors qu'à l'école, on nous dit qu'on est français et que mes parents m'ont toujours appris que voilà, on est issu d'une double culture et qu'il fallait pas renier nos origines. Du coup, ça m'a vachement marqué parce que j'étais avec mon petit frère, donc mon petit frère, je l'ai pris derrière moi, donc mon premier réflexe c'était de aussi protéger mon petit frère et d'éviter qu'il puisse soit répondre à côté ou autre ou mal réagir. Donc j'ai préféré moi répondre dans le plus grand des calmes, mais j'avoue que je pense que les battements de mon cœur ont atteint un niveau de palpitation très très rapide. Aujourd'hui, quand j'interviens auprès de jeunes publics, ils me posent la question comment vous faites face à un policier qui vient vous contrôler abusivement. Quand j'ai assimilé mes droits, j'ai commencé à en faire usage. Je demande pour quel motif vous me contrôlez. S'il n'y a pas de motif réel, il n'y a aucune raison de me contrôler. Par contre, si vous voulez me contrôler, puisque je dois me soumettre à la loi, ça se déroulera au commissariat, pas en espace public. J'ai pas envie de me faire humilier, en fait. Et face à la répression, si on n'est pas suffisamment solide et armé, on se laisse facilement écraser. Et go, la vie est moche, donc on l'a maquillée avec tes mensonges. Son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. J'sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. J'voudrais sauver la terre, parfois. J'voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, j'roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. J'aime pas tes rêves, cauchemar entassé. Le cœur qui brûle. Sentiment glacé, on se connaît pas. J'aime pas ton passé. La mif va bien, passons par assez. Parfois peur de demain, peur de t'ôter la vie. Parce qu'on a grandi, et ma haine aussi. À l'époque, comme certains jeunes, j'avais envie de tout brûler, de tout casser. Puisque pour moi, c'était effectivement le seul moyen d'expression. Qui me permettait de faire comprendre que j'étais en colère. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte quand je participais à des réunions, puisque j'étais très timide, des réunions publiques, comités de quartier et autres. Et souvent, on m'incitait à prendre la parole, mais j'avais rien à dire, moi. Je voyais les revendications de certains habitants pour des feuilles qui traînaient un petit peu sur le trottoir, les crottes de chiens, les poubelles mal installées, les nuisances nocturnes, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que nous, on a des revendications aussi et personne ne les évoque. C'est normal, il n'y a aucun jeune. Nous, on sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on a vécu, on sait d'où viennent la plupart de nos parents, ce qu'ils ont parcouru comme trajet et ce qu'ils ont fait pour nous. Certains ont fui la guerre, certains ont fui la misère. Je sais que je fais partie d'une classe sociale qui a souvent été... Dénigré, incriminé, mais tout cela, je dois faire en sorte que, surtout éviter de m'enfermer dans un discours victimaire et autre. J'ai dit j'ai des droits que je dois faire appliquer et un savoir que je dois partager pour éviter d'autres drames, s'ils peuvent être évités bien sûr. Vous êtes impliqué dans le collectif Justice pour Adama ? Oui. Pour quelle raison ? La famille Traoré avait entendu parler de moi avant que je les rencontre. Et Assa, qui est la porte-parole du comité que j'ai rencontré sur le plateau radio. Du coup, la famille m'a demandé si je pouvais les accompagner dans ce combat. France Inter, juillet 2016. Et ces questions autour de la mort d'un jeune homme mardi après son interpellation dans le Val d'Oise. Depuis ce jour-là, le combat commence pour la famille Traoré. Deux enquêtes ouvertes, deuxième nuit de violence, 9 personnes interpellées. Moi, je suis Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré. Les forces de l'ordre parlent d'une nuit plus calme que la précédente. 9 interpellations tout de même ces dernières heures à Beaumont-sur-Oise et les communes voisines pour des jets de cocktails Molotov ou pour avoir tenté de mettre le feu à la mairie de Beaumont. Réaction à la mort d'un jeune homme de 24 ans, c'était mardi après l'après-midi après son interpellation par des gendarmes, victime d'un malaise selon le procureur de la République de Pontoise. Les gendarmes vont lui courir après et l'interpellation va se faire en deux temps. En premier temps, ça sera devant la mairie où Adama va se faire violenter, va se faire tabasser. Et Adama va partir se réfugier dans un appartement d'une personne qu'il connaît. Ce que l'enquête va devoir déterminer, c'est ce qui s'est passé exactement entre le moment où les gendarmes ont décidé de courser Adama, qui prenait la fuite, et le moment où, une fois interpellé, il est mort sur le parking de la gendarmerie. Et c'est là que tout va se passer. Dans cet appartement, trois gendarmes vont lui faire subir un plaquage ventral. Selon les gendarmes, le jeune homme a été pris d'un malaise et a succombé à un arrêt cardiaque. Il faut rappeler qu'il faisait très chaud avant-hier. Adama va leur dire « je n'arrive pas à respirer, je n'arrive plus à respirer ». Quand ils sont partis dans l'angle, j'ai pas vu. Mais ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé, ça c'est sûr qu'ils l'ont frappé. Mon frère et ma mère vont se rendre à l'hôpital de Beaumont. Il n'y a pas d'Adama. Ils vont appeler tous les hôpitaux des alentours. Il n'y a pas d'Adama. Mais ça se voyait, il était mort. C'était un corps sans vie. Est-ce que mon fils est là? Je voudrais le voir. Madame, il fait très tard, vous ne pouvez pas le voir. Je l'ai vu à la gendarmerie, par terre, couché, allongé. Menotté, hein, il était menotté derrière. Beaumont est une toute petite ville. De moins de 10 000 habitants, la tension est très palpable. Les allées et venues des gendarmes, des SAMU se font ressentir. Et la population, les habitants vont venir devant cette gendarmerie et demander où est Adama. Selon sa famille, le jeune homme qui fêtait ce jour-là ses 24 ans était très sportif et en bonne santé. L'autopsie devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances de sa mort. À Paris, Solène Nehen, France Bleu 107.1 pour France Inter. Mon chagrin est un gouffre. Ma rage est plus grande encore. C'est un feu en moi. Je ne pense pas. Je n'ai pas de plan. Je suis dressé dans l'adversité. C'est une guerre. Je n'ai plus rien à perdre. Je veux sauver les miens. Notre horreur, notre dignité, la tienne, Adama. Je veux que ton nom résonne dans le monde entier. Tu as été quelqu'un, nous allons de faire de toi un symbole. J'en fais le serment, je ne te laisserai pas mourir comme ça. Ta vie va retrouver un sens, celui qu'on confisque à ceux qui sont nés comme toi. Justice et vérité pour Adama. Donc c'est ça notre combat. Comment ça se fait que aujourd'hui la mort de mon frère reste inaperçue et que... Les sanctions ne sont pas faites en tout cas en conséquence pour que ces gendarmes soient en prison. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait avoir des policiers qui se reforment parce que on nous envoie des personnes qui sont assez jeunes et quand ils viennent dans nos quartiers, bon, ils viennent avec ce qu'on leur a mis dans la tête sans aucune formation. Et je ne sais même pas si aujourd'hui, s'ils font la différence entre un acte raciste et pas raciste tellement ça, c'est devenu habituel et normal. Mais nous, le combat... On lâche pas, nous sommes devant les institutions les plus puissantes qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait la famille Traoré des soldats, ben on va continuer. Et à travers mon frère, on sait qu'on peut changer beaucoup de choses. Et si on arrive à avoir la mise en examen de ces gendarmes, arriver devant la cour d'appel à Paris de les faire condamner, ben on aura fait quelque chose de très grand déjà. Il faut étudier, il faut aller à l'école, parce que sinon aujourd'hui nous sommes là et qu'on peut se battre, bah, c'est qu'on connaît ses droits, et c'est qu'on peut s'exprimer, c'est surtout aussi connaître son histoire. Et ça donne beaucoup d'assurance. Et moi c'est ce que je dis souvent, c'est très important d'aller à l'école. Quand on a le savoir, bah, personne ne peut nous marcher dessus. Génération qui fait honte à ses parents, certains de nos frères ne savent même plus qui ils sont. Déracinés, vidés de leur culture. Oubliant leur passé, gâchant leur futur. Fils d'immigrés, élevés dans le respect. Perdus en France comme dans un brouillard épais. Lorsque les fils ne ressemblent plus à leur père. Et que les filles tiennent très peu de choses de leur mère. Les familles pleurent, saignent et se déchirent. Jusqu'à ce qu'on indifférence. Alors, ça va être un grand et un bon moment, je pense. Voilà, partagé à plusieurs. Donc Eric James devrait arriver normalement aux alentours de 2 heures. Mais comme il vient de Haute-Normandie, parce qu'il avait un spectacle hier soir... Au lycée Julie-Victoire d'Aubier à Argenteuil, la lutte pour l'égalité et contre les discriminations est la principale préoccupation des élèves et le thème du concours Graines d'orateur qu'ils organisent. On aura Graines d'orateur qui va présenter un premier duel sur un thème que je ne connais pas, mais qu'eux connaissent normalement. Voilà. Vous pouvez bien entendu soutenir l'un ou l'autre candidat. Voilà, je vous en accueille, Thierry James. Donc on va commencer la première joute orale qui va opposer notre présidente Canoal à Ryan. Donc le sujet du débat pour cette première joute orale, c'est les banlieusards doivent en faire deux fois plus pour réussir. Donc Ryan est pour cette thématique et Canoal sera à l'opposition. Très chère Assemblée, Auguste Juré, bonjour à vous. Je suis ici présent pour vous affirmer que lorsqu'on vient de banlieue, on doit en faire deux fois plus pour réussir. La raison. Oui. En effet, connaissez-vous une personnalité politique venant de banlieue ? Il n'y en a pas ou très peu. Car en venant de quartiers plus aisés, ils ont plus de chances d'exercer leur passion, leur rêve qu'est la politique. Les personnes venant de banlieue pour réussir dans la politique, par exemple, doivent travailler deux fois plus, car ils n'ont pas de contact dans ce milieu. Si un jeune homme de banlieue, par exemple, souhaite devenir député, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Pour accomplir cela, il va devoir travailler deux fois plus que les autres, il va devoir prouver qu'il en est capable. Et je trouve ça choquant qu'à notre époque, l'égalité de chance ne soit pas encore présente. Cela témoigne du fait que les personnes vivant en banlieue doivent en faire plus pour réussir, car ils n'ont pas accès aux meilleures écoles, et doivent donc se battre pour avoir accès aux meilleures facultés ou universités. Kerry James le dit dans sa chanson « Les banlieusards ». « Je suis parti de rien, les pieds entravés, le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver depuis la ligne de départ. Ils ont piégé ma course. » Dans la même chanson, il dit « Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat ?» Nous sommes d'accord que la phrase « Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA » dit vrai, non ? Nous sommes d'accord. Imaginez un jeune lycéen qui souhaite aller à l'ENA. Qui l'école choisira-t-elle entre deux élèves ayant les mêmes résultats, l'un étant à Henri IV et l'autre à un lycée de banlieue ? Ils choisiront malheureusement le lycéen d'Henri IV. C'est vrai. Nous sommes d'accord. De plus, d'après l'INSEE, 62% des habitants de banlieue disent avoir déjà connu une discrimination à l'embauche due à leur lieu de vie. Je finirai par dire que malgré tout, de banlieue ou non, nous pouvons réussir si nous nous en donnons les moyens. Comme l'a dit Kerry James, il faut que tu apprennes, que tu comprennes et que tu entreprennes. Merci. Bonjour, honorable banlieusard. Je ne laisserai aujourd'hui rien au hasard. C'est triste, tellement triste de vous annoncer que ces dires n'étaient que simagrées. C'est pourquoi j'en ai le souffle coupé. Il joue la carte de la victime pour justifier son oisiveté. Allez demander à vos pères, allez demander à vos mères. Ils vous diront que c'est le travail qui a payé. N'oublions pas, bien sûr, les nombreuses aides, aides sociales, APL ou je ne sais quoi d'autre, dont nous bénéficions, qui permettent à vous et moi, vos enfants, nous tous banlieusards ici présents, de rivaliser n'importe quel autre Français. Je sais qu'aujourd'hui mes confrères et consoeurs banlieusards ont du mal, énormément de mal. Ils souffrent, que ce soit Marseille, Cormeilles ou Aubervilliers. Je sais que dans vos villes tout n'est pas gai. Si aujourd'hui, moi, pakistanaise, banlieusarde, refuse qu'on nous victimise, eh bien c'est parce qu'en réalité, nous sommes ceux d'entre les plus aidés, si ce n'est pas les plus aidés. En effet, j'espère ici et maintenant vous convaincre d'apprécier le travail que fournit notre gouvernement. Sachez que ce gouvernement en fait deux fois plus pour nous. Je dis bien deux fois plus. Et c'est grâce à ça que nous sommes sur un pied d'égalité avec les gens dits de classe aisée. J'aimerais vous parler d'un exemple personnel qui m'a ouvert les yeux. C'est l'exemple d'une amie. Elle habite dans le 16e et elle voulait rentrer à Sciences Po l'année dernière. À présent, elle est à la fac. Elle voulait rentrer à Sciences Po. Vous savez peut-être que pour rentrer à Sciences Po, il faut passer un écrit extrêmement compliqué. Et en lui parlant, je lui disais que mon lycée à moi bénéficiait d'un espèce de partenariat spécial banlieue qui nous permettait d'intégrer Sciences Po. N'importe quel élève de terminale pouvait intégrer Sciences Po grâce à deux pauvres oraux. Et à ce moment-là, son expression a totalement changé. Totalement. Elle a baissé ses lunettes comme ça, m'a fait « C'est sérieuse ?» Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de nos avantages, en réalité. De quoi nous peignons-nous alors que nous sommes au pays des droits de l'homme ? Liberté ! Fraternité, telle est notre devise. Tâchons de ne pas l'oublier. Merci à vous. Moi, c'est Omar Slaouti, je suis prof dans ce lycée qu'on appelle Julie-Victor Daubier, qui est enclavé sur le dalle d'Argenteuil. Je suis professeur de physique-chimie, voilà. Et j'y enseigne depuis quasiment plus de 25 ans, voilà. C'est un lycée qu'on appelle communément faisant partie de l'éducation prioritaire, même si l'étiquette depuis a disparu pour tous les lycées. Mais c'est un lycée qui concentre des familles, des enfants de familles de conditions sociales plutôt précaires et pour lesquelles la réussite scolaire est extrêmement importante, impérieuse et en même temps avec lesquelles les conditions sociales ne sont pas totalement réunies pour pouvoir réussir. Pourquoi avoir choisi d'inviter Kyle James ? Les thématiques, en tout cas, que nos élèves ont voulu soulever avec lui, qu'on retrouve dans les chansons, mais qui sont très chères à nos élèves, parce qu'on a débattu avec eux de comment on allait aborder cette séance, cette rencontre, ont été très portées sur la question de la responsabilité individuelle et la responsabilité des institutions. La question du libre arbitre. La question qui consiste à dire si moi, qui suis né dans un quartier populaire, de conditions modestes, qui n'a pas obligatoirement la bonne couleur de peau, qui a l'accent accroché au prénom ou au nom, est-ce que je peux m'épanouir dans cette société-là ? Si oui, comment ? Sinon, comment ? Et quelles sont les responsabilités qui relèvent à la fois des institutions et puis la mienne là-dedans ? Sans tomber dans un délire victimaire, parce que c'est un peu ce qui est ressorti de cet échange-là, c'est en gros, tu pars pas obligatoirement avec des cases d'avance, mais en même temps, t'as des atouts que d'autres n'ont pas. C'est pas en même temps le délire du battant, du self-made man, de l'auto-entrepreneur, c'est pas du tout ça. Parce qu'en même temps, il y a des vraies responsabilités de la société. C'est aussi condamner la société, conscientiser qu'en fait, oui, il va falloir se battre parce qu'il y a des responsabilités au niveau sociétal qu'on n'est pas aidé. Comprendre que là où ils en sont aujourd'hui, là où ils vont être demain, c'est à la fois le résultat de ce qu'ils peuvent faire, mais dans un contexte qui n'est pas simple aussi. Donc, il faut parfois se battre contre les éléments. Et se battre contre les éléments, c'est aussi une façon de s'épanouir. Et d'un certain point de vue, c'est dur, mais ça peut être aussi une chance de se battre contre les éléments. Nos élèves comprennent très rapidement, parce qu'ils se retrouvent, ils ont les mêmes, ils écoutent les mêmes musiques, ils pratiquent les mêmes sports, ils se retrouvent en dehors, ils ont les mêmes galères, ils tiennent parfois les mêmes murs, parfois ils font les mêmes conneries, parce qu'il y a aussi il y a tout ce qui relève du système D. Beaucoup de nos élèves sont parfois sur la crête, c'est-à-dire, peuvent tomber d'un côté ou de l'autre. Et nous, on fait tout dans le cadre scolaire pour qu'ils tombent, entre guillemets, du bon côté, c'est-à-dire celui où on peut relativement s'épanouir et pas dans celui de l'échec scolaire avec tout ce que ça peut vouloir dire. Et donc, ils comprennent très rapidement les questions d'inégalité sociale. Et c'est parce que ces inégalités-là, ils en prennent conscience assez rapidement que pour eux, l'égalité, c'est vraiment un chemin de vie, quoi. Et donc, au-delà de l'égalité des chances, c'est plutôt l'égalité des droits qui, en arrière-fond, transpire dans cette affaire-là. L'égalité des chances, c'est plutôt, on va vous mettre sur une ligne de départ, on va tous courir, bon, on va vous donner des baskets qui accrochent un peu plus que d'autres si vous êtes, voilà. C'est une chose, mais il y en a qui récusent la course en tant que telle, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse s'épanouir tout simplement, même si scolairement c'est un peu bégayé, il y en a plein dans le quartier. Et donc là, on n'est plus dans le cadre de l'égalité des chances, parce qu'il y en a qui ne veulent pas courir, il y en a qui décident de ne pas courir, qui ne peuvent pas courir, et qu'on puisse pour autant s'épanouir. Et on passe là du coup de l'égalité des chances à l'égalité des droits, même si j'ai un CAP, un bac pro, et que je ne vais pas faire des grandes études, j'ai quand même droit de citer là où je vis avec ceux et celles que je fréquente. Toutes les banlieues se ressemblent, alors je voudrais que toutes les banlieues se rassemblent. Ensemble, on défend nos droits, ensemble ils nous entendent comme une seule voix. Puis-je encore rêver, moi qui suis plutôt du genre à œuvrer, dur de conserver l'espoir malgré la douleur de mon histoire. Laissez-moi m'élever, c'est tout ce qu'il me reste, laissez-moi rêver. Même si ce monde nous a fait prisonniers, nos espoirs ne doivent pas être. Qu'est-ce qui a inspiré et inspire encore les jeunes militants aujourd'hui? Quels sont leurs modèles et leur manière d'envisager la lutte contre les inégalités? À la Maison des Jeunes et de la Culture, à Sarcelles, nous rencontrons Inès Sediki, qui tente de réveiller les quartiers grâce à son association Get Up. Est-ce que tu connais cette MJC? Est-ce que tu y as passé du temps? Je la fréquentais pour un peu de soutien scolaire et surtout, j'étais tout le temps fourrée dans les pattes de mes parents qui organisaient pas mal de sorties, d'activités pour les jeunes. Parfois, je me retrouvais à réciter des poèmes dans des conférences pour la Palestine et choses comme ça, alors que j'avais à peine 6 ou 7 ans. Donc, j'ai grandi dans l'ambiance MJC et puis dans les engagements de mes parents. Je ne sais pas si c'était des militants, mais c'était des gens très engagés. Mes parents, ils sont arrivés en France parce qu'ils avaient envie de vivre en France. parce qu'ils avaient une situation plus ou moins correcte au Maroc. Et quand ils sont arrivés à Sarcelles, ils ont été frappés par un peu les inégalités de droits, la situation des sans-papiers, choses comme ça. Et donc voilà, ça sonnait à l'interphone tout le temps. Je répondais au téléphone pour prendre des messages. Mes parents étaient tout le temps en manif un peu partout. Eux, c'était vraiment sur la question des sans-papiers et des primo-arrivants. Mais donc, c'est quelque chose qui a fait partie de mon éducation et de mon enfance. Ces inégalités dont tes parents parlaient, est-ce que toi-même, tu t'en es rendu compte aussi dans ton parcours scolaire ou personnel ? J'ai l'impression, avec le recul, que c'était un peu une enfance un peu dissonante entre ce que mes parents voulaient que je sois, qui voulaient toujours, enfin pour eux j'allais devenir médecin, j'allais devenir, c'était normal, c'était basique, on était en France, tout est possible, et l'ambiance que je retrouvais à l'école, où alors c'était pas du tout l'ambiance générale, où les profs étaient pour une grande partie d'entre eux pas démissionnaires, mais pas forcément très ambitieux pour nous, avec des discours qui étaient vraiment il y a plein de fois où dans ma scolarité, dans ma vie, j'aurais pu tout lâcher et me dire que voilà, je voulais devenir pendant longtemps caissière. J'étais fascinée par les caissières de Sarcelles, c'est ça que je voulais faire. J'attendais d'avoir 16 ans pour travailler, faire caissière, puis j'attendais d'avoir 18 ans, puis j'attendais les vacances. Et puis c'est très très tard que j'ai eu d'autres rêves et d'autres ambitions pour moi. Je pense que comme beaucoup de gens qui ont un peu mon profil, qui, entre guillemets, s'en sont sortis, qui viennent de quartier. Je pense que les premières rencontres qu'on fait et qui nous ouvrent et qui nous donnent un peu d'espoir, c'est toujours un ou deux profs qui te disent à la fin du cours « Tu peux rester, s'il te plaît », et qui t'expliquent que même si t'as 16 de moyenne en 5e au collège Jean Lursa, à Paris, c'est 9, c'est 8, et que tu vas devoir travailler plus, mais qu'ils croient en toi, que tu vas devenir quelque chose et que tu vas faire quelque chose de ta vie. Et qui essaient de rentrer en contact avec tes parents, qui font un peu le pas de plus qui fait que t'as envie de les rendre fiers. Puis en terminale aussi, profs qui te disent, la fac, faut vraiment être armé, tu devrais faire une prépa, je pense que t'en as les compétences, etc. Bon, après, tu fais ta demande à PB, tu demandes Henri IV parce que t'as absolument pas conscience de ce que c'est que de demander Henri IV. Et puis, tu finis à Sarcelles. C'est marrant, hein. J'avais demandé un peu partout, puis je me suis retrouvée à Sarcelles. Et c'était vraiment les meilleures années, carrément les meilleures années de ma scolarité, je pense. Bon, après la prépa, j'ai intégré une école de commerce à Grenoble. Et je me dis, j'ai envie de voyager. Et moi, mon rêve à l'époque, c'était d'aller aux États-Unis. Et donc j'ai trouvé un stage à New York. Et en fait, parce que c'était le moins cher, je me suis retrouvée à Harlem. Et tout le monde me disait, mais va pas à Harlem, tu vas mourir. Et j'étais là, mais les gars, je viens de Sarcelles, ça me fait pas peur, donc j'y suis allée. Et en fait, c'était tellement les mêmes codes, la même culture et la même façon un peu de voir les choses et de s'amuser, etc., que je me suis très très vite intégrée, je me suis fait des amis super vite, et je me suis très vite retrouvée dans les maisons de quartier, les centres pour les jeunes, pour voir ce qui s'y faisait, quoi. Et en fait, ça m'a permis de voir un peu tout ce qui était fait d'un point de vue associatif avec les jeunes des quartiers populaires d'Harlem, du Bronx, etc. Et j'ai trouvé ça vachement inspirant parce que à Sarcelles, par exemple, il y avait énormément de choses pour les jeunes en termes de sport. On a aussi la chance d'avoir un conservatoire. Bon, à l'époque, il y avait un cinéma. Maintenant, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Il y a plein de choses qui n'y a plus depuis longtemps. Mais il n'y avait jamais cette partie où on t'apprenait à te connaître toi, à avoir confiance en toi et à dire que toi, tu avais la possibilité de changer les choses, de porter des projets, faire bouger un peu les lignes. Et c'est ça que j'ai un peu emporté avec moi quand je suis rentrée. Il y avait cette première idée. C'est ce qu'ils appellent l'empowerment. L'idée derrière, c'est intéressant, c'est de donner les ressources et les outils aux gens pour résoudre leurs problèmes eux-mêmes, sur une logique un peu communautaire, locale plutôt que communautaire, à l'échelle d'un quartier, d'une ville, etc. Il y avait cette expérience, du coup, de se dire qu'il y a autre chose dans l'associatif qui n'existe pas forcément en France et qu'il faut développer. Et donc, en rentrant, je me suis dit, bon, tout ça, faut que j'en fasse quelque chose. Du coup, je me dis, on va faire des ateliers Skype, tout simplement, où les petits de mon quartier vont pouvoir parler avec des jeunes de leur âge un peu partout dans le monde, des jeunes avec qui ils partagent quand même certains codes pour que ce soit plus facile d'entrer un peu dans les discussions, etc. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'objectif au début, c'était juste leur permettre de parler d'actualité, de parler de tout ce qu'ils veulent. Et très, très vite dans les sujets, ça arrivait à des trucs extrêmement politiques et extrêmement chauds. Ça parlait de violence policière, ça parlait de racisme, du système éducatif. Et j'étais impressionnée. Et je me suis rendu compte, en fait, que ces jeunes, ils avaient envie d'en parler, envie de comprendre le monde dans lequel ils évoluaient, tout simplement, mais qu'ils n'avaient aucun espace pour le faire. Et voilà. Et l'idée, c'est parti comme ça. Après, ça s'est développé en, voilà, décrypter l'actualité, apprendre à débattre. Et c'est génial parce qu'à la fin de la session Skype, ils ont appris des choses sur l'actualité. Ils ont été poussés à débattre, à exprimer leurs idées, mais surtout à faire ce travail de se dire mais ouais, en fait, moi aussi j'ai des idées, moi aussi c'est intéressant, mon environnement, ce que je fais, mon parcours, etc. Et du coup, c'est là vraiment, c'est après cette première expérience qu'est née GetUp. C'est là que je me suis vraiment rendu compte de la direction que ça allait prendre, ce projet. Et voilà. Tu pars aussi du mentoring, c'est-à-dire que ton idée, c'est que ceux qui ont réussi entraînent les autres derrière eux. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on est la génération qui, je crois, a intégré le plus de sphères différentes. Il y a des gens qui sont issus des quartiers populaires dans des ministères, dans des grandes entreprises. Et l'idée, c'est aussi de se dire, la réussite, c'est pas juste d'être là, c'est que ça serve à quelque chose aussi, et d'activer ces gens-là pour que ça fasse avancer tout le monde, qui tire avec eux le reste des jeunes de quartiers populaires. Et ça, on essaie de matérialiser ça de plusieurs façons. La première, du coup, c'est les after-work du bando qu'on organise dans les quartiers populaires. Là, l'idée, c'est qu'on déplace le centre du monde en banlieue le temps d'une soirée. Donc voilà, mettre en avant que ce soit les gens, les rôles modèles, l'histoire des quartiers et aussi les territoires, tout simplement, vraiment tout revaloriser pour que les gens se disent « mais en fait, c'est génial de venir d'un quartier ». Voilà, c'est ça, en fait, le premier objectif. Et le deuxième, c'était aussi, du coup, une fois que ça s'est fait, une fois que les gens se disent « j'ai envie de faire des choses pour moi, j'ai envie de faire des choses pour avancer mon quartier parce qu'on le mérite », c'est de leur donner les ressources pour pouvoir le faire. Et du coup, les ressources, c'est un réseau, c'est des formations. Et le troisième volet, c'est un peu les accompagner une fois qu'ils ont l'envie, une fois qu'ils ont les ressources, les accompagner dans leur projet. Et la deuxième chose aussi qu'il faudrait faire et qui manque un peu, c'est de réancrer tous ces projets-là dans les vrais enjeux qui existent dans les quartiers populaires et à la lumière de ce qui a été fait avant. C'est vraiment de se dire... Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, déjà sur notre histoire, ça fait partie de se connaître et se faire confiance, mais aussi sur ce qui a été essayé avant en termes de lutte pour plus de droits, plus d'égalité des chances, des choses comme ça. Par exemple, moi, j'ai appris très très tard l'existence de la marche. C'était pas dans mes livres d'histoire. Et cet épisode de l'histoire des quartiers populaires, tout simplement... Il est source d'un nombre important d'enseignements. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que plus de 70% des jeunes de quartiers populaires ne connaissent pas. Et c'est ça aussi qu'on veut faire à travers ce programme. Merci à Mohamed Meshmash, Nabil Koskosi, Alma Mikanouté, Assa Traoré et Inès Sediki. Archivina, Gwen Michel. Prise de son, Benjamin Chauvin, Yann Fressy. Mixage, Guillaume Leduc. La troisième génération ou le rêve américain, un documentaire de Sébastien Descaraïdes et Véronique Samouiloff. Marseillais, lyonnais, clichoises ou parisiennes, des deux côtés du périph', LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour ausculter la colère, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour le compte à rebours ou nous réécouter à la mairie, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et la semaine prochaine, on retournera s'allonger sur le divan. Mais demain, à la même heure, vous retrouverez le magazine de la rédaction. Et ce week-end, pour vos oreilles avisées, il y a nos rendez-vous documentaires, une histoire particulière et une vie, une œuvre.